Yeah. Space is the place. Ok. DKSS. Space is the place, je suis décalé comme la tour de Pise. Une fois de plus, je vise. J'ai la technologie à Milo. Je vise le succès à Gilo. 80 kilos, pas pour ça que je suis tous les jours au McDo. Ouais, je mange des oranges mécaniques, Malcolm McDo. Ouais, tous les jours c'est Noël. Cadeau sous le sapin, je veux pas une sacoche Gucci, ni des sapins satin. Tous nos faits et gestes nous rapprochent de Satan. Pour ça que je tire les ficelles de ces M600 tons et que je fais une carrière groupée comme Garnier et sans tout. Pendant que j'ompe mes centimes, je rêve d'être millionnaire. Et quand j'ai le blues, j'écoute Bruno Mars, I'm a billionaire. J'suis un visionnaire qui aime les films classiques. Une fois de plus, je me renvoie la tête avec un thème basique. Space is the place. Trop persévéré pour arriver au bout. Merde, c'est vrai, je me prends plus la tête. Je fais du tout au tout. Space is the place. Trop persévéré pour arriver au bout. Merde, c'est vrai, je me prends plus la tête. Je fais du tout au tout. Space is the place, mes sexes surprennent même les psychos rigides. Et si j'écris en titre, c'est pas pour une carrière frigide. Envoie le frisbee, j'ai le flow qui fait pleurer Steven Spielberg. Touche pas à la 8 car c'est plus des bâtons dans les roues, c'est des icebergs. Je suis un super 8 mais j'apporte que du 9. Je passe au suivre au supérieur, 8 tape que sur du smurf. Tu me rattrapes qu'en surf, 400 coups c'est pour les rigolos. J'ai un œil de lynx lourd, tu me rattrapes même pas sur un rhinolo. T'as mal aux oreilles car j'écris une tape pendant que t'essayes d'aligner tes orteils. Hey, j'ai le swag à Mr. Aya. J'fais pas ça pour que tu m'appelles Mr. Maya. Aïe, la reconnaissance c'est mon but. Je ne veux pas être une ombre balayée par le soleil de leurs plumes. C'est des KSS, point à la ligne. Différente c'est mouton, je ferai l'inverse de la mode. Space is the place, je m'aligne. Space is the place. Trop persévéré pour arriver au bout. Merde, c'est vrai, je m'en prends plus la tête. Je fais du tout au tout. Space is the place. Trop persévéré pour arriver au bout. Merde, c'est vrai, je m'en prends plus la tête. Je fais du tout au tout. Yeah. DKSS. Space is the place. I am space.